Mon histoire avec le maître Omra Mikhaïla Ivanov et le maître Petatonov. Introduction. Je n'ai pas l'habitude d'enregistrer des textes en français, donc je vous prie de m'excuser pour toute erreur que je puisse faire, parce que j'ai énormément oublié mon français, donc il est clair que je pourrais faire quelques petites erreurs. Et je vous présente ceci, non pas écrit mais enregistré, parce que je suis aveugle et que c'est finalement tout à fait agréable que de s'installer quelque part et d'écouter quelqu'un qui vous raconte une histoire qui pourrait peut-être pour vous être intéressante. Je vais vous présenter toute la vérité, absolument toute la vérité, sur le maître Omra Mikhaïla Ivanov et sur le maître Peter Donov. Vous allez entendre des choses qui vous paraîtront trop fantastiques pour être vraies, et d'autres histoires qui vous paraîtront trop horribles pour être vraies. Or, lorsque l'on connaît la vérité, lorsqu'on est proche de l'origine, que l'on connaît bien les gens, il y a des choses fantastiques que vous ne connaissez pas et des choses horribles que vous ne connaissez pas. J'ai vu récemment un monsieur qui s'appelle Olivier Martin, que je connaissais il y a fort longtemps et qui fait je trouve, une pitoyable imitation du maître Omra Mikhaïla Ivanov. Et j'ai pensé qu'au regard de ceci et de bien d'autres choses que j'ai pu entendre dans Le Bon Fin, l'école du maître Omra, mais aussi les insultes de différentes associations qui classent ceci comme une secte, pour répondre un peu à tous, eh bien, j'ai cru bon de présenter tout. J'ai moi-même été présenté comme étant un sous-marin de la Fraternité Blanche Universelle, la Fraternité Blanche Universelle étant l'école du maître Omra Mikhaïla Ivanov et avant du maître Peter Donov. Et je ne suis en aucune façon un sous-marin. Je suis moi-même, Iji, et personne d'autre. Et ce n'est pas parce que j'ai fréquenté des gens, ces gens-là, mais de nombreuses autres personnes, que je puisse être le sous-marin ou de la Fraternité Blanche Universelle, ou de l'école de karaté Shotokai, ou de l'école d'aïkido Tissier, ou de que sais-je que l'on puisse inventer, ou du zen, ou du je suis moi-même. Et j'ai pratiqué la philosophie, la méditation. Je suis aussi moine Shaolin, j'ai pratiqué plein de choses, le zen, le je n'appartiens à personne, ou devrais-je dire, je suis avec la source du bien, la lumière cosmique divine, qui n'a ni forme ni nom, mais une seule direction, une seule intention, le bien, la vérité et la justice, pour éveiller l'âme humaine, pour qu'elle puisse avoir envie de grandir et de se renforcer. Donc je vais présenter ici tout ce que j'ai pu découvrir, étudier, mais aussi découvrir dans l'histoire du maître Omra Mikhaïla Ivanov, dans son enseignement, mais aussi dans son expérience, dans les choses qu'il a pu faire, que certains connaissent et que bon nombre ne connaissent pas du tout. Rien que la vérité, toute la vérité, je le jure.